qu'il marche, silhouette dans la brume. Chaque pas résonne sur l'asphalte chaud. Les ombres dansent, le temps devient flou. Souffle court des ruelles oubliées, emporte rêves et pensées sous le voile sombre des nuits sans fin. Nos cœurs s'enflamment, battent le matin. S'efface, il s'endort, mais brûle encore ce trésor. Mémoire vive, époque folle, où espoir lutte, l'âme s'envole. Riders qu'il marche seul, guidé par basse. Chaque note réveille les âmes en place. Souffle léger d'un sac chaud, caressant nuit, apaisant mot. Nuit qui ne cesse de suivre, rêves s'entrelacent dans vent, murmures doux, chants captivants. Riders qu'il marche libre, perdu lumière, porté par musique, loin poussière. Quand s'arrête suspend du son, chaque note brise son raison. Nuit reine, ville danse, sous étoile naîtrance. Je suis ombre qui s'étire, feu brûle intensément. Chaos, son et lumière, trouve paix, vérité claire. Magie instant suspendu, rêve éveillé, monde perdu.